bébé. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Je me la barrette à la place de DG. Je me promène dans ma ville, j'ai pas les vitaines. J'ai de ma vie le capitaine, on les ken, le quartier on aime. Je te bats la lune, rien t'a fermé. Le caramel il me fait tourner la tête. Je gamberge à nos ennemis. Hamdoulay mais je fais jamais la fête. Au charbon du lundi au lundi. Bimbo au check à des enquêtes. Elle compète, elle m'hébète. Donc amigo faut que je raconte la recette. Regarde ton cul au lieu de voir mon assiette. Total ND à fond sur la 7. Y'a plus de moral les petits veulent jobber. Ça fait des DP avec le bracelet. Des peines et des peines et des peines. Dans ma brunette je veux oublier. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Je connais le milieu. Le guetteur, le gérant, le patron, la nourrice, Carchenor, bébé, viens toucher le banc. Je te sors le coin, mais le banc. Il nous jalouse mais à bon. Oh la brunette veut sa paire de Versace. Le petit du check veut son pack RS4. J'ai des problèmes que je garde. Y'a les échecs, j'fais des maths. Ça m'écoute, j'suis dans ta ville. T'aimes des bons chars à midi pile. Que des baillants, mon cœur s'abîme. T'aimes des prendre toute la ville. Fais-leur du bien, bien, bien. Ils retiendront que le mal. Donne-leur du propre, propre, propre. Ils retiendront que le sale. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé. Parti de rien, je me suis fait seul. Comme le bruit, j'escalade. Et ils m'en veulent. Y'aura que ma team baillant. Laissez-moi, j'ai plus le temps. Bébé, bébé, bébé, les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé, les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé, les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé. Les jaloux veulent m'étouffer. Sortir Hamza faire un nick et je remplis mon CCP. Oh bébé, bébé, bébé.